Ah ouais, j'ai dit aux radios, niquez vos mères. Je sais que je suis hardcore, mais je sais que je fais kiffer au père. Donnez-moi le succès, échange mes disques en or. Donnez-moi une baguette, échangerai Sarko en port. Si j'avais une Bentley, j'en ferais une voiture bélier. Qu'est-ce que tu veux, y'a les frimeurs, puis y'a les guerriers. J'ai un poignard pour survivre dans cette jungle. Et on m'a donné la misère pour savoir rester humble. Pour réfléchir, on m'a donné une paire de couilles. Un double canoncier qui laisse une paire de touilles. Je suis sur la planche, et faut que je saute tôt. Et en bas, y'a les gueules ouvertes d'une dizaine de crocos. Donnez-moi le courage de gravir les échelons jusqu'en haut sans que le vide me foute les jetons. Donnez-moi la peur, parfois je me sens invincible, cœur de pierre, j'ai subi sans bouger un son. Donnez-moi un son, un micro et un casque, pas besoin d'un planète rap pour faire mon taf. Donnez-moi un kick, une caisse claire, une poisse, dont je fais pas semblant, tu connais mon place. Donnez-moi du cash, donnez-moi du bif, pas besoin du LM pour faire du chiffre. Donnez-moi la mort et je laisserai mes traces, dont je fais pas semblant, tu connais mon place. Pour une mission, je t'ai dit, 3000 euros par booking, 5000 de plus quand Dia m'appelle pour un shooting. Les temps sont durs et comme on peut, on fait son blé. Ou comme tu veux, les doigts croisés, tu jettes ton dé. Nous on n'y peut rien, on est juste une bande de bronzés à trouper. On fait flipper les bandes de Condé. Rap, personne connaît, sauf les taulards et les racailles. Parce que je passe sur Sky, mais trop tard. Depuis 95, je suis sur liste d'attente avec une sardine et une grenade à j'ai dans ma planche, je suis dans un état comme si j'avais pris de l'extasie pure. Je mon trône, rendez-moi vite pour l'Excalibur. Rendez-moi mon trahi, mon béret, mes galons, mon épée. Laissez-moi chevaucher mon étalon. Avant tout, putain, je suis un agent microphonique. Ma plume sert de sabre, mes faces de bon bateau. Donnez-moi un son, un micro et un casque. Pas besoin d'un planète rap pour faire mon taf. Donnez-moi un kick, une caisse claire, une poisse. Dont je fais pas semblant, tu connais mon place. Donnez-moi du cash, donnez-moi du bif. Pas besoin du pour faire du chiffre. Donnez-moi la mort et je laisserai mes traces. Donc je fais pas semblant, tu connais mon place. Hey, donc j'arrête de rapper, y'a pas de bif. Arrête de planer sans spliff, y'a pas de kiff. Arrête de faire ton film, t'as pas de script. Fermez vos gueules, arrêtez de penser que j'ai pas de trip. J'ai passé des nuits blanches, des journées noires près des voûtes de l'enfer, à chercher un peu d'espoir. Si je pète un câble et je sais plus comment faire, tant pis, je plante le juge, j'assassine le maire. Je suis pas un traître, je suis un rat qui reste dans le navire. Un rat qui plonge, un rat qui coule avec le saphir. Donnez-moi un bulldog, j'en ferai jamais un beat. Donnez-moi un pokora et j'en ferai jamais un feat. Donnez-moi un son, un micro et un casque. Pas besoin d'un planète rap pour faire mon taf. Donnez-moi un kick, une caisse claire, une poisse. Donc je fais pas semblant, tu connais mon place. Donnez-moi du cash, donnez-moi du bif. Pas besoin du LM pour faire du chiffre. Donnez-moi la mort et je laisserai mes traces. Donc je fais pas semblant, tu connais mon place. Donnez-moi un son, un micro et un casque. Pas besoin d'un planète rap pour faire mon taf. Donnez-moi un kick, une caisse claire, une poisse. Donc je fais pas semblant, tu connais mon place. Donnez-moi du cash, donnez-moi du bif. Pas besoin du LM pour faire du chiffre. Donnez-moi la mort et je laisserai mes traces. Donc je fais pas semblant, tu connais mon place. Dieu, le D.O.N. Popu, et tu le sais, gros.